Entrée sans payer, l'émission mensuelle sur la gratuité et la culture libre. Et ça se passe où ? Radio Balade 101.8. Magasin gratuit. Je prends ce que je veux et c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. Allô, allô, entrée sans payer. Toc, toc, toc, toc. Aujourd'hui, c'est gratuit et c'est libre. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les auditeurs. Aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle émission qui parle de gratuité et de culture libre. C'est une émission qui devrait être mensuelle et donc qui va aborder tous les mois un thème différent autour de la gratuité et de la culture libre, dans laquelle on peut inclure tout ce qui est autoproduction, do it yourself. Alors ça pourrait être par exemple les incroyables comestibles, le friganisme, les magasins gratuits, la nourriture gratuite ou la musique libre. Donc pour chaque thème, on va essayer de réfléchir, d'approfondir le sujet, de donner des exemples, etc. Et surtout de vous donner envie de contribuer et de devenir usager de tout cet univers qui est en plein devenir autour de la gratuité et de la culture libre. Donc cette émission est organisée par l'association Gratilibre, alors qui est à l'origine, entre autres méfaits, on va dire, du site nonmarchand.org, du magasin gratuit de Puyvert dans l'Aude, pour ceux qui connaissent, et de la gratuiterie de Limoux dans l'Aude. Alors on aura peut-être l'occasion d'y revenir aujourd'hui, je ne sais pas si on va avoir assez de temps. Parce qu'aujourd'hui, on va commencer par aborder un on va commencer à aborder donc un premier thème qui est celui de l'instruction en famille, qui aujourd'hui est menacé, hein, il faut dire ce qui est, par un projet de loi qui est en cours. Voilà. Donc ensuite on parlera d'un excellent livre. Fred vous parlera de L'homme sans argent, qui vous donnera un premier aperçu de tout ce qui peut se faire dans, on va dire, l'économie non marchande. Bon, on tient bien sûr à remercier chaleureusement Radio Balade de nous offrir ce temps d'antenne 101.8. Bon, alors, on va commencer d'abord un peu par dire ce qu'on entend par culture libre et gratuité, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes. Alors déjà, bon, d'une part, il peut y avoir des controverses, mais surtout, même si on reste sur une vision assez stricte de ce qu'est la culture libre, on peut quand même avoir des personnes qui ignorent ce que c'est. Donc je dirais que la culture libre, si on la prend dans un sens très général, tout d'abord, c'est la possibilité, on va dire la liberté, hein, pour toutes les personnes qui le souhaitent, de vivre leur culture, de la transformer, de l'étudier aussi, de la diffuser, de vivre leur culture librement. Hein. Donc ça peut être ne pas être empêché de le faire, et ne pas être forcé aussi de rentrer dans certains schémas culturels, on pourrait dire. Donc voilà, ça c'est une définition très vaste, très générale, mais qui a le mérite de poser un peu le cadre. Hein. Donc c'est la culture libre, c'est vraiment une... j'ai envie de dire que c'est un peu l'antithèse d'une phrase qui est fort détestable, mais qu'on va quand même dire pour bien se positionner. Quand j'entends le mot culture, hein, je sors mon revolver. Donc voilà, là, on est complètement à l'opposé. C'est l'antagonisme de ça, dans le sens où derrière cette phrase, il y a quand même la volonté, hein, d'avoir une vision hégémonique de la culture, de faire en sorte qu'on va refuser qu'une certaine culture se développe et s'épanouisse et puisse aussi se transformer hein, dans un sens conservateur. Et donc c'est d'une certaine manière prêcher une forme de relativisme. Donc voilà, hein, c'est derrière. Si on voulait parler de la philosophie générale, c'est ça. Hein, c'est une tendance à refuser une standardisation, une orientation forcée de la culture. Bon, mais comme vous le savez, aujourd'hui, le revolver c'est devenu le porte-monnaie. Hein, c'est. Alors il y a encore le revolver, hein, mais il peut quand même prendre des formes un peu plus sournoises, on va dire, qui sont celles de l'économie marchande, du porte-monnaie, hein, je pense que ça résume bien. Et donc, c'est donc là quand on parle de culture libre, on va plutôt s'orienter vers des formes de résistance à une marchandisation de la culture, et notamment à une marchandisation à travers le droit d'auteur. Hein, c'est important. Enfin, alors, le droit d'auteur, pourquoi pas, mais... certaines restrictions des libertés qui sont induites par le droit d'auteur. Alors évidemment, ça ne remet pas en question pour la propriété morale hein, des œuvres. Hein, on va plutôt s'intéresser à la propriété patrimoniale. Donc en gros, quels vont être les procédés employés pour empêcher la redistribution, l'usage. La rediffusion, l'étude, et la commercialisation éventuellement d'une œuvre. Donc toutes ces restrictions qui vont peser sur l'usager, la culture libre renverse la perspective et dit donc c'est un mouvement qui est né dans les années 90 autour de cette idée. Nous on va finalement utiliser le copyright pour au contraire proposer aux usagers donc de redistribuer, de modifier, de pouvoir étudier. À l'origine, hein, ça concernait surtout les logiciels. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Hein, on va dire dans les années 90, même si probablement on a on pourrait faire remonter ça plus loin, notamment autour du mouvement de la Free Press. Donc en tout cas, derrière, il y a cette idée qu'on va désaliéner la culture de l'économie marchande, mais disons désaliéner toutes les libertés que cette économie peut faire peser sur la culture. Alors, donc concernant la musique, par exemple, les musiciens qui décident de mettre leur musique sous une licence libre, autorisent l'usager... donc un auditeur ou une personne qui voudrait utiliser leur musique à la redistribuer gratuitement, à la modifier gratuitement et voire à la commercialiser même. Donc vous voyez, c'est dans cette idée qu'on va recréer une sorte de tiers-espace où des libertés autour de la culture vont pouvoir se mettre en place. Le temps passe. Donc, voilà. Alors, après, on parlera aussi beaucoup dans cette émission d'autoproduction. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une manière d'échapper à l'emprise du marché, hein, de faire les choses soi-même. Alors que ce soit en ayant. En substituant à l'achat d'un service quelque chose que l'on va faire soi-même. Ou soit en produisant, par exemple, un objet ou. Des choses dont on a besoin. Donc nous au sein de l'association Gratuit Libre, donc c'est sur la base de cette philosophie qu'on a commencé à développer des initiatives et des actions concrètes à partir de 2010-2011. Au départ alors je fais un bref rappel historique hein, pour la première émission, mais au départ dans la région lilloise, et ensuite on est descendu donc dans l'Aude pour ouvrir ce qu'on a appelé une maison non marchande. Donc alors comment ça fonctionne hein, déjà comme ça, ça va peut-être clarifier un peu tout ce qu'il y a autour, toutes ces notions. Bah, c'est tout simplement un endroit où on peut venir poser des affaires, en prendre gratuitement, mais pas que. On peut aussi venir poser entre guillemets des savoirs, des savoir-faire, et venir en prendre gratuitement. Et librement, surtout, hein, sans d'une manière plus générale, librement, je dirais. Donc c'est vraiment dans cette idée un peu de, d'exporter un modèle organisationnel, si on veut, qui s'est développé au sein de la culture libre de manière vraiment pratique et pragmatique. Donc on a des beaux exemples comme Wikipédia, mais il y en a d'autres. Donc un peu ce que j'appellerais ce modèle de l'auberge espagnole. Hein. On vient, on donne ce qu'on veut, on prend ce qu'on veut. Voilà, c'est tout simple. Et ce qui nous a paru très rapidement, que ce soit au sein de la maison non marchande depuis Vert, donc qui se trouve au 31 rue du Barré du Lion, hein, qui est toujours ouverte depuis 2012, et aujourd'hui au sein de la gratuiterie de Limoux, donc qui est un local où on expérimente aussi des formes d'échange un peu plus exotiques, comme le prêt gratuit ou la circulation d'objets nomades. Donc là, ce qui est apparu, bah, c'est que ça fonctionne très bien, hein, tout le monde en profite, il y a une très bonne ambiance, on va dire, et donc voilà, c'est, on voudrait à travers cette émission, bon, d'une part, partager nos expériences, et aussi partager d'autres expériences qui se développent un peu partout à travers le monde, à travers la France aussi, et qui méritent d'être mieux connus, qui sont souvent... alors, bien souvent, par exemple, quand on parle de musique libre, moi, j'ai remarqué, hein, les musiciens ne le savent pas. Donc, ne connaissent pas, hein, ce principe d'échange. Donc voilà, hein, ce qu'on veut sensibiliser, surtout, ce là où on aimerait vous sensibiliser, c'est autour de ces nouvelles formes d'échange. Et bon, évidemment, hein, on va pas vous dire « Non, vous devez absolument mettre votre musique sous licence libre, de libre diffusion. » Non, c'est pas l'objectif, c'est simplement déjà de faire connaître et de vous montrer les avantages que ça procure, à la fois en tant que musicien, mais aussi évidemment en tant que, qu'auditeur. Hein. Voilà. Donc, juste un dernier mot sur avant de passer donc sur le thème de l'instruction en famille, où on va entendre une personne qui la pratique et qui souhaite réagir à ce projet de loi, hein, qui est, à notre avis, un peu déconnecté, plus qu'un peu. Et ben, donc, pour revenir un peu aux principes, hein, qui nous ont guidés dans la construction donc, du magasin gratuit Appui Vert, hein, notamment... Je dirais que c'est pas à la limite de... Il y en a un qui me paraît important de relater, c'est que, en fait, bon, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'il y ait une disponibilité de... que ce soit de biens, de services, que potentiellement, celui qui est intéressé pour les acquérir selon cette forme, puisse rencontrer la personne qui les propose. Donc, voilà, c'est plus sur la... insister sur... non pas à la limite sur quantitativement, bon alors combien est-ce qu'on a eu de donations, combien... Non là ça serait plus ce cas si on était dans le cadre d'une association subventionnée, ce qui n'est pas le cas. Donc nous ce qu'on veut surtout c'est proposer simplement ouvrir ce champ des possibles, voilà. Et faire en sorte que évidemment ce soit les personnes qui vont être usagères qui vont l'ouvrir par elles-mêmes. Voilà. Donc nous, on est dans ces espaces-là, quand vous entrez, l'idée c'est d'être juste là pour promouvoir et mettre en pratique le droit à échanger sans argent, et surtout sans obligation de contrepartie. Donc on peut échanger, c'est des formes d'échange non conditionnelles. Voilà. Donc un dernier mot pour insister, donc on n'est pas dans une logique nécessairement... donc voilà, ce qu'on veut, c'est que ces lieux ne soient pas rattachés à des idéologies, à des croyances traditionnelles autour du don, autour de la charité, voire à des projets de vie trop englobants. Hein. L'objectif, c'est vraiment de dire, bon, en fait, quelles que soient vos croyances, quelles que soient votre façon de penser... Eh bien non, vous pouvez venir, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est un peu, alors ce qui d'une certaine manière est presque aussi un peu utopique, hein, c'est d'imaginer que ça peut s'insérer dans une sorte de réalité pratico-pratique, hein, des idéologies désidéologisées, on pourrait dire. Et surtout un dernier point dont on essaye toujours de faire en sorte que les moyens soient cohérents avec les finalités. Donc, alors, bien entendu, ça n'est pas toujours respecté, mais par exemple, si on doit avoir à acquérir de ressources pour faire fonctionner les lieux, bah, on va essayer de recourir à l'économie non marchande. Ça nous paraît donc de se les procurer gratuitement, hein, concrètement, ou de les fabriquer. Donc, vous êtes les bienvenus dans ces lieux. Vous êtes les bienvenus sur l'émission pour nous écouter, qui va être passionnante. On va parler de choses extraordinaires dont vous n'aurez peut-être jamais entendu parler. On l'espère. Et on l'approfondira dans tous les cas. Voilà, et maintenant on va faire une petite pause musicale en sachant que nos pauses musicales sont composées exclusivement de musique sous licence de libre diffusion. A tout de suite! Dans notre système, fourmis plein d'idées, et tout ce que j'ai, on ne peut pas le partager. C'est tout un problème pour la communauté, car tout ce que j'ai, je ne peux pas le modifier. Dans notre système, fourmis plein d'idées. Et tout ce que je fais, on pourra même partager. C'est pas un problème, la licence le permet. Et tout ce que je fais, je pourrais même modifier. Pam, padadam, padadadam, dam, tadadadam. Dans notre système, si t'as une idée, si ce que tu fais, tu voudrais bien le partager, c'est pas un problème, suffit de décider que ce que tu fais, on pourra même le modifier. Et c'est reparti pour l'émission Entrée sans payer. Donc voilà, hop, quelques petits soucis techniques, c'est bon. Alors, on va maintenant parler du projet de loi qui est actuellement en cours. Alors, même si c'est pas encore un projet de loi, il s'agit en tout cas d'un discours qui a été prononcé par Emmanuel Macron sur le séparatisme et qui menace gravement, hein, faut dire ce qui est, les personnes qui souhaitent déscolariser leurs enfants. Donc, pour en discuter, on a invité quelqu'un qui pratique ce qu'on appelle l'instruction en famille. Donc, alors, en quoi ça rentre dans le cadre de l'émission très rapidement ? Bah, tout simplement parce que c'est une manière de... une manière de pratiquer l'instruction, alors sans forcément passer, sans passer du tout, hein, par l'école, donc qui n'est pas déjà en soi une forme d'instruction gratuite, puisqu'on la paye indirectement par l'impôt, ou ni en passant par des écoles privées. Donc c'est de faire soi-même l'instruction, et aussi d'autres fonctions qui sont normalement dévolues à l'école, comme par exemple la garde des enfants. Donc... bah c'est parti. On va. Est-ce que tu m'entends? Ouais. Normalement c'est bon. Oui. Est-ce que tu m'entends? Ça passe là? Ouais. Moi je l'entends pas au casque. Alors un petit instant, hein, on... Oui, tu m'entends là? Tu peux Oui, de mon côté, moi j'entends bien. Impeccable, c'est bon, voilà, on avait un petit souci, mais c'est parti. D'accord. Donc, oui, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce nouveau projet de loi? Voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu, déjà, ce qu'il en est, nous préciser peut-être à peu près les conditions, voilà. Oui. Oui. en fait, c'est une annonce qui a été faite le 2 octobre, donc c'est vraiment tout récent. Le projet de loi va être, a priori, il va être présenté et donc voté mi-décembre. Voilà. Donc l'annonce qui a été faite, c'est la scolarisation obligatoire pour tous les enfants à partir de 3 ans dès la rentrée 2021. Donc c'est sûr que pour moi, cette annonce est un véritable choc, notamment parce que c'est une atteinte vraiment extrême à un droit fondamental qui est la liberté, notamment en tant que parent, ça porte atteinte à mon autorité parentale. Et en tant que j'ai aussi une expérience d'enseignante, donc je peux voir aussi tous les amalgames et toutes les conséquences catastrophiques qui risquent d'y avoir avec si ce projet de loi venait à passer. Voilà. Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence néfaste? En fait, faut déjà savoir, et puis je pense remettre dans le contexte, l'instruction à domicile. Oui. Ça veut dire que c'est un choix, donc les personnes qui choisissent de ne pas scolariser leurs enfants, il y en a, déjà on est une toute petite minorité, hein, La moyenne en France, c'est 0,5% des familles qui le font. Ah oui. Puis, il faut savoir que donc une certaine partie le font par conviction personnelle, pédagogique, mais il y en a aussi énormément qui le font par contrainte, notamment parce qu'il y a souffrance extrême due au harcèlement, due à des difficultés en fait de prise en compte de la différence de chaque enfant, ce qui n'est pas possible avec des classes qui sont surchargées, avec des enseignants qui sont débordés. Ça fait qu'il y a énormément de familles qui choisissent l'instruction à domicile, donc l'IEF, ou la déscolarisation pour... c'est un choix d'extrême, j'ai envie de dire, d'extrême urgence pour pallier à la souffrance que vit leur enfant dans le milieu scolaire. Oui. Donc finalement, tout le monde peut potentiellement être concerné. Alors soit parce que ça impacte ses libertés. Sa liberté de d'instruire soi-même son enfant, soit parce que on peut. Oui, d'accord. Tout à fait. Et c'est vrai que ce qui me choque aussi, c'est que dans les médias actuellement, c'est une minorité qui est pointée. On met en avant le fait que ce soit une minorité à qui profite, on va dire, ce mode d'instruction. Mais la réalité, c'est que ça concerne tous les parents. Oui. Un jour ou l'autre, moi, je connais des familles qui ont plusieurs enfants. Et puis, leur petit dernier, il vit une telle souffrance dans le milieu scolaire que l'instruction à domicile a été vraiment un grand salut pour eux. Et ils ne pensaient vraiment pas pouvoir devoir utiliser ça. Donc c'est vrai que là, c'est renoncer à un droit, renoncer pour toujours, à un droit auquel tout le monde pourrait bénéficier un jour ou un autre. Et aujourd'hui, on ne sait pas forcément si on va en avoir besoin. Si, ce n'est pas forcément un choix qu'on fait aujourd'hui, mais il se peut que demain, on en ait besoin. Mmh. Et c'est sûr que ça va vraiment limiter pour moi, ça a un impact aussi sur notre autonomie, parce que si les seules, on va dire, dérogations qui vont être possibles, ça va être sur, on va dire, ordonnance médicale pour des raisons médicales. Mmh. Ce qui de toute façon sera une manière de supprimer cette liberté, parce que si on doit demander et en plus justifier tout à fait. Oui. Tout à fait. Et puis pour moi, ce que je vois aussi, c'est de discriminer et de pointer encore plus des différences qui sont complètement normales. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, en fait, en tant qu'individu, on a des besoins, on a des moyens d'apprentissage qui sont complètement différents. Oui. Et pour l'instant, beaucoup de personnes, enfin, ceux qui choisissent l'instruction à domicile le font aussi par conviction pédagogique, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est une manière de prendre en compte les besoins spécifiques de son enfant. Oui. Chose qui risque de plus être possible si l'enfant est catalogué, je veux dire, dans s'ils sont obligés d'être diagnostiqués avec des pathologies, ça pose déjà une étiquette et puis ça influe automatiquement en fait sur le développement de la personne dans le respect de sa différence. Bien sûr, oui, c'est même un stigmate qui peut être lourd à porter. Complètement. Du coup, je m'interroge quand même par rapport à la... Là, on parle principalement de l'instruction en famille, mais il y a également des mouvements qui sont, on pourrait dire, plutôt anti-scolaires, anti-école, d'une manière générale. Comment se positionne l'instruction en famille par rapport à ça ? Est-ce que... Parce que c'est aussi un choix qui peut être légitime de dire on refuse l'école en tant qu'institution, pour des raisons qui sont peut-être plus politiques, basées sur un choix de bien-être ou un choix individuel, bien que ça reste tout de même un choix individuel. Comment se positionne l'instruction en famille par rapport à ça ? Alors, de mon expérience, c'est l'instruction en famille regroupe vraiment toutes ces différences-là. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont faire l'école à la maison, donc des apprentissages vraiment formels, donc exactement comme l'école classique, sauf que c'est à la maison. Mmh. Et puis on a des personnes qui vont proposer et puis valoriser ce qu'on appelle les apprentissages informels. Et ce qu'on appelle aussi les apprentissages autonomes. Ça veut dire que c'est la confiance dans le fait que les enfants vont savoir à quel moment ils vont avoir besoin et envie d'apprendre certaines choses, pour le faire dans un cadre quotidien de vie de tous les jours. C'est ce qu'on peut appeler l'école de la vie. Mmh. Et puis, il faut savoir que dans tout ce continuum, en fait, entre les deux, toutes les formes d'accompagnement existent. Mais il faut savoir que en France, l'instruction à domicile et donc la non-scolarisation est extrêmement encadrée. Donc, il y a des déclarations qui sont faites, il y a des contrôles qui sont faits. Ça fait que beaucoup de gens imaginent que c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Puis la réalité, c'est que c'est des contrôles qui sont très rigoureux et puis régulièrement, les contrôles tendent à devenir de plus en plus rigoureux pour pouvoir vérifier ce qui est proposé aux enfants. D'accord, donc finalement, l'argument qui est avancé par... le gouvernement, je pense qu'on est un peu obligé de revenir dessus, donc ça serait la porte ouverte à la radicalisation. Il tombe un peu à l'eau parce que, étant donné qu'il y a déjà des contrôles, on voit mal en quoi, à supposer déjà qu'il y a un lien entre l'instruction en famille ou la déscolarisation et la radicalisation. Est-ce qu'on a déjà des sources là-dessus ? Personnellement, j'en ai pas trouvé en cherchant, mais. Moi non plus. Oui, donc bon. C'est normal. On sait pas d'où ça vient, quoi. Oui, oui, oui. Ouais. C'est sûr que. C'est bien de le nommer parce que ça, c'est l'argument qui est amené par le gouvernement, mais qui est complètement, on va dire, c'est une excuse complète, puisque ce qu'on peut, dans les faits, les terroristes qui ont malheureusement agi en France, malheureusement, je dirais pas que c'est un terrorisme, mais en tout cas, voilà, une action radicale sous couvert d'extrémisme, ils ont fréquenté l'école de la République. Oui. Et jusqu'à ce jour, les enfants qui ont fait l'instruction à domicile ou qui ont bénéficié d'un enseignement qui était, on va dire, hors école, hors scolaire, c'est des personnes qui, au contraire, ont contribué au niveau culturel, au niveau sociétal. Donc, ça n'a aucun lien du tout. Oui. Et quand tu parles de contribution, parce que, alors, j'imagine qu'il y a certains auditeurs qui peuvent se poser la question, oui, mais alors, notamment, par exemple, par rapport à l'éducation autonome, est-ce que ça fonctionne, ce type d'éducation ? Est-ce que c'est pas aussi, alors, une deuxième question, un poids qui peut être un peu lourd pour les parents ? Ça fait partie des questions qu'on se pose. Voilà, donc je... Bah, alors, du coup, je vais en profiter avec mon parcours d'enseignante. Oui. Et faut savoir que beaucoup d'études en sciences de l'éducation récentes montrent et mettent en avant la théorie des intelligences multiples. Ça fait que, en tant qu'humain, enfant ou adulte, on n'a pas les mêmes stratégies d'apprentissage et on n'a pas les mêmes portes d'entrée pour accéder à des connaissances, des apprentissages, des compétences. Oui. Et malheureusement, dans le système scolaire actuel, toutes ces données qui sont récentes et puis qui sont disponibles, c'est d'ailleurs pour ça que il y a d'autres pays qui mettent des formes d'éducation qui tiennent compte de ces avancées-là au niveau éducationnel. Malheureusement, la France, dans la formation des enseignants et dans l'apprentissage et les cours qui sont offerts à l'école classique et conventionnelle, ne tiennent pas compte de ces éléments-là. Ça fait que même si il y a des enfants qui sont pas en souffrance au niveau scolaire, ben ils peuvent ressortir quand même avec un manque de confiance en eux et puis une forme de dévalorisation parce que ben oui. En lien avec l'évaluation, en lien avec la compétition, la comparaison, ben c'est ça l'impact, c'est que il y a un manque de confiance en eux. Et les apprentissages autonomes justement sont issus en fait de ces études pédagogiques récentes et travaille plus en fait sur la confiance en soi, sur le fait de donner des outils en fait de recherche à l'enfant plutôt que de donner des connaissances. Je pense à une expression qui est célèbre qui dit ben voilà, si on donne un poisson à quelqu'un qui a faim, ça sera moins efficace que de lui apprendre à pêcher. Ouais. Donc dans le cadre de l'éducation, ça a cette même portée, c'est-à-dire que pour l'instant, l'éducation qui est faite de manière classique est basée sur la connaissance, sur connaître des choses, les apprendre, mais il y a comme une autonomie qui n'est pas développée en fait. Alors d'une certaine manière, finalement, ça... ce que tu dis par là, ça permet de prendre conscience que il y a quelque part peut-être aussi derrière la liberté de croyance, voire la liberté d'enseigner, qui sont aussi un peu restreintes par l'école. Oui. Oui. Alors quand je parle de liberté d'enseigner, c'est-à-dire liberté d'enseigner selon d'autres formes de transmission, selon d'autres formes d'apprentissage, je dirais pas transmission de connaissances du coup, parce que. Oui. Bah, justement, à ce niveau-là, il faut savoir que depuis quelques années, le milieu scolaire alternatif, parce que souvent, une des choses auxquelles on pense, c'est si l'école conventionnelle ne convient pas, il y a aussi les écoles alternatives, les écoles privées. Et puis, il faut savoir que ce n'est pas forcément réalisable. Déjà au niveau financier, parce que toutes les familles qui peuvent se permettre en fait d'inscrire leurs enfants dans des écoles privées ou alternatives, qui sont souvent privées. Mais il faut aussi savoir que dans les milieux ruraux, ces écoles-là ne sont pas disponibles. Oui. Et puis il y a peut-être aussi la question de ça, pourquoi ne pas utiliser, bon là je rejoins plus la thématique de la gratuité et de la culture, pourquoi ne pas utiliser finalement tout ce réservoir de savoir, de savoir-faire et d'envie d'enseigner qui est présent partout et qui conviendrait peut-être mieux en termes de diversité de croyances, en termes de diversité d'opinions aussi. Bah, c'est sûr que c'est un potentiel, je pense que beaucoup de familles qui pratiquent l'instruction à domicile visent. D'accord. D'ailleurs, c'est notre quotidien, je veux dire, il y a beaucoup de réseaux de familles qui se constituent, il y a vraiment une écoute en fait des intérêts des enfants. Il y a vraiment quelque chose de très très riche, mais c'est sûr que c'est un choix, on va dire, au niveau familial qui n'est pas forcément facile à prendre, notamment parce que beaucoup de parents se sentent pas légitimes ou capables de le faire, ou même au niveau de l'emploi du temps. C'est sûr que c'est un investissement qui est différent, mais c'est pour ça que je tiens vraiment à dire que c'est une liberté en fait qui aujourd'hui nous est accessible à tous en tant que parents. Oui. Puis si ce projet de loi passe, c'est encore à nouveau un droit fondamental qu'on perd au niveau de la liberté de choix, mais aussi la liberté en tant qu'humain. Parce que ça veut dire que là, c'est comme si, vous savez, on nous proposait qu'un seul type de restaurant. Ah oui, oui, oui. Bonne analogie, oui. Il peut être très bon, mais ça veut dire que ça ferme la porte, en fait, à l'autre champ de possible, oui. Et à la nouveauté, à ce qui est peut-être expérimental et qui l'évolution a toujours été faite de ça en fait, créativité, de nouveauté. Tout à fait. Bon ben on va retenir ces paroles-là parce que vraiment ça me paraît important de montrer que ça s'inscrit aussi dans une direction de la société dans son ensemble, hein, que c'est à la fois la liberté individuelle et l'évolution de la société qui est quelque part l'évolution de la société peut-être pas menacée, mais en tout cas qui risque de prendre une forme qui est pas forcément favorable pour tout le monde. Je voulais aussi passer un message à ce niveau-là. Donc l'association Gratilib est engagée donc sur la question, et on essaie de mettre en place une journée sans école qui se déroulerait le vendredi 13 novembre. Si vous voulez venir en parler, vous pouvez venir en parler à la Gratitude de Limoux tous les vendredis après-midi. Voilà. C'est une initiative parmi d'autres, hein, il y en a beaucoup. On vous invite à soutenir toutes les initiatives possibles pour empêcher que ce projet de loi se mette en place, parce que c'est vraiment vos libertés qui sont en jeu. Merci beaucoup pour ton... pour les informations que tu nous as apportées. Et on va faire une petite pause musicale. À tout de suite. Thank you. C'est reparti pour l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8. Vous venez d'écouter Lilliput Orchestra et auparavant c'était Odysseus, donc qui sont deux morceaux de musique libre que vous trouverez sur la formidable plateforme Dogmazic, que je vous invite à aller voir. Donc après avoir parlé de l'instruction en famille et présenté l'émission et l'association Gratilib, on va maintenant vous présenter un ouvrage, Fred va vous présenter un ouvrage super intéressant qui s'appelle L'homme sans argent de Mark Boyd. Je lui laisse la parole, c'est parti. Oui, alors L'homme sans argent, un petit livre de 245 pages. Écrit par Mark Boyle, un Irlandais, qui a fait une expérience vivre pendant une année sans argent. Donc il raconte son expérience. C'était en 2010. Ça a été médiatisé à l'époque en Angleterre. Donc il a fait son expérience à côté de Bristol. Et voilà. Et donc, pourquoi sans argent ? Eh bien, il explique, commence par expliquer ça. Le fond est un peu spirituel, il s'inspire de Gandhi, entre autres. Dans son argumentation, il donne en fait tous les inconvénients de l'argent. Et principalement, on le voit sur la couverture, donc son expérience lui a fait redécouvrir une certaine forme de liberté. L'argent serait donc un esclavage. Alors, les inconvénients de l'argent, par exemple, L'argent a remplacé le groupe en tant que sentiment de sécurité. Voilà, vous pouvez vous acheter. Ouais. Oui, Benjamin, ouais. Non, c'est sûr. Alors que, donc, en fait, l'argent est une invention assez récente. Hein, si on regarde l'histoire de l'humanité, ça date de 5000 ans à peu près. Hein. Donc, avant, les communautés humaines vivaient sans argent. Même faisait du j'ai vu ça à la télévision hier, ils faisaient du commerce international. Alors c'était les Phéniciens, ils posaient leurs objets sur la plage, ils se reculaient et puis les indigènes venaient voir, ils posaient d'autres objets, les transactions se faisaient même à distance quoi, du troc à distance. Donc voilà, alors bah le livre se termine par des perspectives. Alors, Mark Boyle apprécie beaucoup son expérience et lance des perspectives d'économie libre, hein, free economy en anglais. Voilà, qu'on peut. Il donne quelques ses recettes hein, qui, bon. Sont valables un peu partout en fait. Hein. De quoi est-ce qu'on a besoin ? D'un toit, de nourriture. Donc il se fait un jardin, il fait des cueillettes sauvages, il apprend à cueillir. Ça, c'est un apprentissage à retrouver. On... Ouais. Mais. Ouais, pendant. Donc. Il va se nourrir dans les poubelles, il voyage à vélo. Il résout des problèmes comme le problème des crevaisons. À un moment donné, il en a marre de réparer. Il n'a plus de rustines, il ne peut plus se permettre de racheter des rustines. Alors il s'achète des pneus increvables, ça existe. Voilà, après avoir essayé plein de solutions. Donc, quand on trouve les moyens, en fait, de sans pour autant vivre. Comme un clochard, hein, il s'amuse, il organise une fête pour le début de son expérience, une fête gratuite pour des centaines de personnes. La même chose à la fin de son expérience, il s'ennuie pas. Et on ne s'ennuie pas en le lisant, donc voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter Donc c'est... Une aventure avec des règles quand même, hein, donc pas d'utilisation d'argent sous quelque forme que ce soit. La loi de la normalité, il l'énonce comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il essaie de vivre le plus normalement possible. Hein, toujours faire les choses qu'il avait l'habitude de faire. Mais pas que ça soit vu comme une forme de privation, quoi. Hein. C'est, ouais, c'est ça, ça, c'est son pas. Idée. Voilà. Mm. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et aussi comme dans une perspective très ludique. Alors. Ouais, aussi ouais, ludique, ouais, ouais, ouais. Donc il y a la loi du respect de la vie des autres aussi. Il impose pas son mode de vie. Il arrive très bien à vivre comme ça. C'est accepté. Et la loi de proscription des énergies fossiles. Alors là, bon, c'est l'application de cette loi. Donc il se permet quand même de faire de l'autostop, bien que, mais. Il profite un peu quand même des infractions de plein de choses peut-être qui disparaîtront un jour hein, si ou pas, on ne sait pas. Est-ce qu'on trouvera d'autres moyens de véhiculer nos carcasses sans le pétrole ? À voir. D'accord. Et ouais, du. Alors, est-ce qu'il aborde un peu la question quand même de savoir. Bon, je vois que c'est une expérience individuelle. Oui, c'est une expérience individuelle, mais enfin, il s'appuie quand même sur une communauté encourageante. Enfin, il est entouré quand même, ouais. Ouais, une communauté qui l'aide, quoi. Qui l'aide, ouais, qui le supporte, ouais. Et qui le suit. Tu me disais qu'il y avait d'autres personnes qui avaient tenté l'expérience avant lui. Oui, il y a une Allemande qui a écrit un livre, Ma vie sans argent. Elle a vécu pendant 15 ans sans argent. Oui. Elle s'appelle Heide-Marie Schermer. Et Daniel Suelo, un Américain qui vit dans l'Utah aussi, qui a été un peu médiatisé, qui vit sans argent depuis 2000 aussi, ouais, depuis une vingtaine d'années. Ouais. Disons, ce qui est vraiment intéressant, c'est que à la fois le regard qu'on porte, c'est presque un peu de dire « Ah, mais c'est un peu des huluberlus », mais en même temps, non, le regard qu'on peut porter, hein, je veux dire que la société aurait tendance à porter, mais en même temps, au contraire, ce que Mark Boy a l'air de vouloir dire, c'est que non, on peut s'inscrire dans une normalité complète, quoi, enfin, dans une forme de normalité même bénéfique pour soi et pour les autres, peut-être, parce que c'est un peu... c'est un peu aussi son idée, peut-être. Oui, je trouve que c'est moins extrême, par exemple, que de vivre sans manger. Quoi qu'on pourrait le faire, il y a des gens qui le font aussi, qui vivent sans manger. Qui mangent rien, quoi. Ouais, ça existe. Et qui paraissent normales aussi, finalement. Si. Oui. Oui, derrière ça, il y a tout simplement aussi une revendication plus générale qui est celle de pouvoir vivre comme on a envie. Hein. Oui. Ouais. À la fois liés individuellement et peut-être aussi collectivement. Ouais, bon. Et puis, il y a la nocivité de l'argent, hein, quelque part. Hein, le fait de vivre sans, on trouve pas mal de compensations, ouais. Ouais. Une vie plus aventureuse, quoi. Plus proche de la nature. Moi, ça me fait penser un peu à ce qu'on peut observer quand on voyage. Alors, je crois que Mark Boyle s'inscrit aussi pas mal dans cette démarche. Hein. Il voyage aussi. Il passe ses vacances de Noël à voyager. Il va faire du stop. Par exemple, le stop est un bon exemple. Enfin, le stop me paraît révélateur. C'est-à-dire que les relations qu'on va pouvoir avoir avec les personnes qu'on va rencontrer seront pas du tout les mêmes. Avec de l'argent et sans argent. Tout à fait. Ouais. C'est incommensurable. Quand vous donnez sans attendre quelque chose en retour, vous créez un lien qui n'est pas le même que quand vous attendez quelque chose en retour. Oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre émission, mais les réseaux d'hospitalité encouragent ce type de voyage, quoi. Oui, c'est ce qui se passe à la gratuiterie à Libou aussi. de temps en temps, tout à fait. La gratuiterie accueille des. C'est des sympathique, personnes. Ouais. On appelle ça souvent du cool surfing. Cool surfing, c'était un site mais ça, d'une manière générale, c'est les réseaux d'hospitalité. Et c'est vrai que en tous les cas, bon, c'est des relations. Alors, je dis pas que c'est. Quand on va faire payer quelque chose à quelqu'un, on a forcément une mauvaise relation avec lui. Mais je dis que la relation n'est pas la même. Voilà, c'est un autre type, quoi. Et c'est peut-être aussi ça qui peut donner un aspect plus fun, dans certains cas, plus léger aussi, peut-être. Ouais. Et j'ai l'impression que le livre de Mark Boyle le reflète bien, non ? C'est ça, ouais. Est-ce qu'il nous donne des expériences un peu croustillantes là-dessus ? Alors, j'ai pas de... J'ai... Des experts. Alors il parle de ses il parle des invités inopportuns. Ouais, il vit dans une caravane. Alors et l'hiver, il abrite des souris. Oui. Gratuitement. Alors... Gratuitement. Quoi qu'il faut leur donner un peu de fromage de temps en temps. Alors bon, il accepte ça stoïquement, quoi. Tout le monde. Donc c'est sa philosophie, quoi. Hein. C'est vrai que il pense que quelque part les humains ont empiété un peu sur le territoire des autres espèces que les souris viennent récupérer leur dû, quoi, en fait. Hein. Bon, bah, ça nous fait rebondir sur le droit des animaux qui pourrait être l'occasion d'une prochaine émission. On vous remercie d'avoir écouté. Donc l'émission Entrée sans payer, on espère que vous reviendrez le mois prochain. En attendant, elle sera probablement bientôt téléchargeable en podcast. Vous pouvez aller voir sur le site de Radio Balade pour vous tenir informés. Allez, on enchaîne sur un morceau, toujours pareil, hein, de la plateforme Dogmazic, qui s'appelle Morning Affairs, et dont l'auteur est Cyber SDF. Alors, je vous préviens tout de suite, vous allez rester accrochés toute la journée à la mélodie. Hein. Donc, attention. Non, vraiment un super morceau. À bientôt tout le monde. Salut, salut. Entrez sans payer et sortez sans payer, évidemment. Ouf. Allez.